Elle avait le parapluie au-dessus des yeux et elle ne voyait rien quand elle traversait la rue au-delà des feux. Elle sentait si bon le chocolat, mais elle préférait de loin sentir dessous les bras les doux parfums d'Éden, même que c'est ce qu'elle aime. Elle touchait à tout et elle ne savait pas qu'il ne fallait surtout pas toucher à la mort et à l'amour au rat avant un caramel. Ça colle aux dents et comme les enfants on court à la marelle. Belle est-elle, une fille de joie et de carré dentelle. Au vent et sifflant, elle se déguise en la promise en meilleure amie de Frident. C'est pas très sympa pour les gens, mais ça lui rapporte de l'argent pour sa bêtise.